enfants sont couchés. Ta valise est allée. Si tu devais partir, c'est du pareil au pire. À la vie, à la mort, rue des 100 000 remords. Des souvenirs, le miroir s'est brisé, c'est un bien triste sort, rue des 100 000 remords. 100 000 remords, 100 000 remords. Si tu devais partir, se quitter, c'est un bien triste sort. Le miroir s'est brisé, il a tué ton sourire. Je me tue à te dire, si tu devais partir, à la vie, à la mort, il fait si froid dehors. 100 000 remords, 100 000 remords, 100 000 remords, 100 000 remords. Si l'on doit se quitter, c'est un bien triste sort. Souvenirs, que pourrait-on se dire? Au feu des souvenirs, c'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort. Au feu des souvenirs. Au feu des souvenirs.